pas le geste. Rien remplace le geste, mais pas le cadeau. C'est bien. Fais en place d'amour, mais pas le geste. Rien remplace le geste, mais pas le cadeau. Quelques gestes, il ne nous reste que ces mots et prières qui percent les nuages. Cours pour vivre intensément, y a une chance sur 100 pour que tu t'en ailles avec de bons sentiments. Une chance sur 100 pour que tu ailles au-delà de cette vie en ciment. Au talum, tout ce qu'il anime abîme l'opium de son esprit. Ce qu'il envenime, elle propulse au summum de son art. Car le sérum se fait rare et la mort aux trousses anonymes. Tous les unanimes au crime ultime et ceux sans crier gare. Et c'est le même test au fil des âges, le même visage qu'on déteste. Tu as fait l'homme à son image, mais nos chers miroirs contestent. Peuple de l'Est, notre héritage, derrière hommage au céleste. La religion nous partage, dommage vu que c'est tout ce qui nous reste. Adam, à Ève, à Moïse et à tous ceux dont le mythe s'achève. Mon magie vise là où le soleil se lève. Mais je n'y ai plus qu'une masse grise, juste un nuage qui crève. À l'image de tous mes rêves, que je déguise en brandissant mon glaive, que tout le monde se lève. Unissons nos forces, ça se corse, la prophétie s'amorce. Ensemble on peut mieux pomper le torse. Entre la honte et la lâcheté, proclamons le divorce. Plus qu'une révolution, l'évolution. Séchez vos larmes, prenez vos armes avant que la fin du monde vous charme. On n'est pas là pour rien, y'a plus de messie ni d'ange. Le destin c'est seulement si on veut que ça change. Si t'attends que Jésus revienne sur terre, cesse de regarder ta montre. Les pères de nos pères l'ont crucifié, t'espères qu'il vienne à ta rencontre. On est seul face à nos âmes et c'est bien ça le problème. Et qui c'est qu'on blâme, ces hommes et ces femmes qui clament que Dieu nous aime quand même. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste.